Attendre que Akoka Kojongala un jour nous était à Botama, Régis Likibi, Seya. Masua Matikili Bongo. Manani yombo kamopaya Bape singa imo kumba Uyu singa ilelo na komiko banga Ote mananga imoto nisuka tete Na ebi yoko zwanga imoto pamba wana mochili Awako yoko kiseli nga izela na lakalati Boutique la maintenance et voyage en province des têtes uniques. Aline en les lions. Lokola mama, obosani nyoso ya bolingo, sali lokola Judith, asala na yaya Angelo, histoire d'amour, histoire du cœur rongo. Baninga nanga mbake imo bembo, manatikala nga imo komawa, nena komi midele ngano nanga mwe bale. Nade jambu. Lika mama kwa mishiple parsan Ebi migran lika mo Elina kevin, boya manzango Asusu bako kende voyage Mopatika baninga Nazani nemo solo Yangona kwa mimi telengano Ya salala Ya linginga inali mwaye Ya salala Ya linginga inatika mokili Kona yue Bakeneke mopemba Mama, mama, yo mama nangao, yeah, yeah, yeah, mama yo kanga imawa, mobembo yo kenga, tukanga nabana, ngana sala niniye, awana sala kateo, ngana luka mbongo wapie, mongo minavala bana, eko uta wapie, anga mawa nalila. Asusu bako kende voyage, mabatika kanina, Banza kanga mosika tanandoto Reye mwana bongo zile Asusu bako kende voyage Mokatika baninga Nazangine mosolo Ya mwana komimi telengano Okendo keye Ocholi lokola mbisi na mainga Natika la libongo Makanisi malekie Mamale nimelanga Makanisi malekie Makiabo yokanga Makanisi malekie, mini ngana sala, dore, dore, dore, dore. Asusu bako kende voyage, mbazide mulu ye ye. Nazani nemo solo, ya mwana komimite. Ye ake ina yeo, ye atiki nga, trema ya nani na yeo. Ye atiki nga, malati ngo ya bolingo. E sila katena moto, oya mipesa na yoe, wapi ya dore nanga. Mama na juju Mary Vixon Mary na DJ Carson na Braza Mama Sela Mona Kole Solange Yaka Mama Sela Mona Kole Solange Yaka Mama Sela Mona Kole Solange Yaka Mama Sela Mona Kole Solange Yaka Chris Vol Adonis Mona Park City Bajon Ideal Basima Dala Ya Carson, lo de Nicaturia. Fongola, fongola, fongola, fongola, banabanda, baby. Allez, Matagani. Guy Noël, Wasgué, papier, garçon unique. Jamila, c'est une sorte de fleur de tamaris. Daniel, Tsumwaka. Corolla, Saki, Okela, qui moi c'était Melo, Kela, qui paie, Fololote. Aïe. Le sel Vincent, Jaffa, si la fleur était pour fortifier l'amour, Jamila a participé à la beauté de la nature. Yamartino. Jamila, yeah, Jamila, maman. Jamila, yeah, oh, ah, maman. Namoni, masima, yeah, kalamo, kilipova, inelzenyoso. Elo, kalanima, kitero, lelo, nandimi. Mokilinzo kareza la kamistere ye kolobe la mambo te nyango ye charme koma karater kome la bango tala lelo vapesi elo mimo susu na mokile ye samorele ya ye kango na yaseko yo kabikola weke seni ye lenge yo kotungisaka mitu ya batugu Lenge yoko lengisa, milema ya balangana Lenge bako kumisaka, kitoko na yogo Malobi yo zalifo lolo, la fleur d'ornement Ngala lali simi soteo, na elio motema na maye Inyansi musikos Zango na yaseko yoka mikola weke senye Lenge yoko tungisaka, mitu ya batugo Nenge yoko lengisa, milema ya balangana Nenge bako kumisaka, kitoko na yogo Malobi yo zalifololo, a fleur d'ornement Kala lali simi soteo, yamangwa na ye Melen Mabari, Alain Mercier Renaud Boss, c'est l'encyclopédie symphonique Grand magie na Katia Elf Congo Nyonso yeko nema kako pesa na bongo Apolline Popol, maman Nelson. Tabu. maman na grâce. Petit Kiki de Fonda. Saturnin Zinga. Est-ce que vous voyez ma grand-mère? Alors, puis que c'est boulevard, on a beaucoup bougé. Maïl et ma paix, mon goût de sortie familier. Tout si bon confil, mon petit cabanka. Oh yeah, yeah, yeah. Naboko mina kanza, mbaba nyama baninganiye. Petiango, komane mukulumpa, asimba kasirandeke. Lokuta, yemeni, yimanel palpitant le juge du style, Kadebanka. Naboko mina granza, mbaba nyama baninganiye. Oh yeah, Mustafa, nzokande, Lokuta nina bisona mere klozine, mere klozine, mere wabu. Sous-séance service, juste derrière mon colonel. maman kendo aye, c'est la moine à coller. Arc-en-ciel aye. Terminator, Nakachapoto, Puna Kazanga, Las Vegas. Il fallait que ce soit un vacateur rouge et pas à Aya Justin. bango to kabola bango moko na moko makelele sila di mamalia moni makini mema makini mabangebe mamalia moni makini mema makini mabitute makini mabule akansela iganyisile makini mabule akansela ye Mamalia moni makini mema makini mabitute makini mabule akansela iganyisile makini mabule akansela ye makini mande mabube mwana mama mukola sigande bube ngimanele akansela ye bana ngoba ye itango na mokasi bwankolo Bomeli bino mutu ya lelo Oya kakotala nini Ango bomeli bino ye Ose kakita pamba pamba Volonte ya kolo Oyi na titye pamba leke Na kombo ya nzambe Asimbili kolo Notre père que te sie Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Sur arc-en-ciel aye Makini mande mabube mwana mama Ngola sigande bube ya darise Arkansela ye bana ngoba ye itango na mokasi wangolo Oya kakotala nini babo melibino mutu ya lela Oya kakotala nini yango babo melibino ye Ose kakita pamba pamba volote angolo Oyi na titye pamba leke Le mien bato bandimie na présence ya Raoul photo bato va se peli ne pète ya pas mal arc-en-ciel aye makin mande mabube ya poline mugola sigande bube mwana papa c'est normal le bonhomme arc-en-ciel musica et quoi ça béton my lance musique à niveau et Mati. Les oiseaux aiment l'air, mais moi je n'aime que toi, Nyutumba. Marianne, oh, Marianne, oh, bato bako kamwa soki mama botayo, toyo bimana ebale ya lulali. Boris Valentin. Marianne Nangai, na koko kateko vivre sans yo chérie. Ye bandango boniye, yo boyanga. Bongonga na tikala malole. Dès que le mama ya Vivien. Na koko kate vraiment, ko vivre sans yo. Marianne biwaye, izale linaye. Yaba mama si ko saba, aseke mwa si nyon sabo iya ye mobali. Bango kuna na si ko saba, deux à deux. Maître Man. Oh. Soki moninga lingi yoe, ye bongi yo linga ye, ye kumama na bible se boye, se bongo go go. Tantan paramas. Salisa kaye, bondela kaye o, mokolo ya kobela yende moto liboso go salisa yo. Na la fina ye, elo kwa linga se yoko, do la muya linga ka. Priorité c'est fidélité, sincérité na libala, iwaka ke koka bola yona ye. Koro konye koro die. Na la fina ye, elo kwa linga se yoko, dans l'amour ya lingaka. Priorité c'est fidélité, sincérité na libala, iwaka ke koka bola yona ye. Do linga na lokola tekle na ngimi na nzoko ba linga niye. Suka suka bolingo ngana kobala kaka yo mwana mama ye nabiwa ye na la vina ye mama ye lo kwalinga se yoko dola mwya linga ka fidelite se serite mama se serite na libala iwaka ke koka bola yo na ye yanga na Marianne ya koka kulateo yanga na Marianne yako peki sate aloko lande tulingani kakali wako kabola biso e mama na la fina ye mama e lo kwa linga se yoko dola mwya linga ka mepiki ye yorite se fidelite les anje se mite na libala bana kwanza e kabola yona ye yo salise wanga yo kolela te mama Salina posa ya kolinga ba susuta te bomu tsumu yoka basa ¡Gracias! songazile, e songazile mona ndumba, e songazile ya ye, songazile mona ndumba, e songazile mane, songazile mona ndumbe. Anise pokona Laura, nakacha fan club al console musica. Jean Jitem Tumu, PDG. Profite nambo kabeti nganzambe Eric le prince urbain rendez-vous au chemin de l'an 2000 je continue l'idée. Basusu bakana baki la banyanga yelele mami misibi kuta masanga boba mele balangwa otokobwani lelo na bolingo Yalo kita yole Toi, victoire, à mon thème, ma passion. soleil na mutu ya mbeto o masumbele Bakone Badei Nyutumba Ela Yangai bongo Ekatinda miso na monoko Bongo baluka Oyo moteme lingi Si obscur que soit la nuit Il ne fait jamais nuit là où on s'aime. Et là, on balanyere. Lisse zalaka, nabo kilote. Matoye yo kaka, makambo maso bakoloba. Moteme beta kambango, kaka na likambo. Et là, yo kelanga imawara. Et là, ngai se yo na pona. Ela e no kina kobela liboma na melisa yo masanga badu bongo kitisa moto motema mama mère victoire na braza lise zalaka na bokilote batoye yo kaka na kambo maso bakoloba motembe beta kambango kaka na likambo ela e yo kelanga imawara ela e ngai se yo na pona ela e nokina kobela liboma na melisa yo masanga badu bongo kitisa motema sentiment trop miso pembe lokola bebe ya Blanche Gomez ingo mwambe lokola basi ya jambalaro nzoto sembe sembe lokola ba mama ya zandoe nzoto kitoko lokola basi ya kelembe mai ela e yokela ngai mawarara ela e ngai se yo na pona ela e nokina kobela liboma na melisa yo bunganda bongo yo kitisa motema yaya vero na kingani makimine monoka zalaka na sonyi te baninga na koya komema ngambo soki na tuna na bato na koya kofuta lomando soki na tuna na papa na yo c'est dur quelqu'un pour l'abandonner ensuite. Cela entraîne des souffrances sans fin. Et là. Avec un regard bleu et un sourire en laine. Mama, tell 'em I'm gonna call it. Oluki makambo na fama le oke babitu mwana mwana nkoye Jeko potelas Oluki makambo na fama le oke babitu mwana mwana nkoye Oluki makambo na argasele ke babitu mwana bana nkoye Oluki makambo na fama le oke babitu mwana mwana nkoye Yatino Toye Martino Dalvino de Basse Bolingana Bolingana Ko Balinginga pona sana mbongo balinginga ratina nasomi masanga tomele ke la vie c'est l'ambiance l'ambiance il faut l'argent l'argent fait le bonheur crée l'amitié oyo ya bolingo aye basi nyoso balinginga pona sana nzimbu balinginga ratina miyanzi elaka L'amour c'est la vie fait la joie crée l'amitié. Oh yo ya bolingo, aye. Est-ce que vous voyez Bakake? Oh ya zanga bongo, azanga ma visite, n'est-ce pas big manager? Zuki ozali na nyoso na mokili, aye. Zuki ozali na bongo na mokili. Tokyo Zali papa bonheur Aye Namo soro baninga goma sanga Banzele bebo Matumiete Marcel Tokyo Zali na nyoso na mokiligi Aye Tokyo Zali na mbongo na mokiligi Aye Tokyo Zali na voiture na mokiligi Aye Tokyo Zali papa bonheur Goyao Aye Namo soro baninga goma sanga Maître Man, mon colonel. Il n'y a rien pour rien à mon kili moninga salangele. Baninga bayo e balanda kayo pona masolo. Soki yo zangi nyo son amon kili bakimi yo e. Bamasta e. Bakimi yo e. Il n'y a rien pour rien à mon kili moninga salangele. Baninga bayo e balanda kayo pona masolo. Soki yo zangi nyo son amon kili. Ba master eh, ba kimiyo eh. Wa kibanzele ba zala kana mo panzi nangara. Ba kimiyo eh. Ba master to komele longo ba komande wa biye. Ba kimiyo eh. Longola na zangi mbongo ba kiminga yo. Ba kimiyo eh. Inya ria kuyana mo kili moninga salangele. Ba ninga bayo eh ba na lamba yo bona mo solo. Soki yo zangi inyo sona mo kili ba kimiyo eh. Ba master eh. Gai mubala nyere na sala ninye Bakimiyo e Gai Martino Nzela nininga na leka Bakimiyo e Gai Dali Na seka nananye Bakimiyo e Gai Mailesa Na bina nananye Bakimiyo e Inya ria kuria na mokili moninga sala ngele Baninga bayo e Bala na kayo pwana masolo Soki yo zangi nyoso na mokili Bakimiyo e Bamasta e Bantele Bakimiyo e Maître Munkasa Président Lumingi Est-ce que vous voyez que Arcosel musique alors pour la équipe de béton Et un bala oye bakani ko sima Nicolo Mama Mère Claudine, Sœur Laurentine, Robin Angola Ndenge Akala, Oba Nami Bona Bino, Dango Bisoto Zalaka Nani Nabakilote. Le coup la porte de mon gars, il y a qui salama. Bon, la carte rouge, tu fais ça qui bango. Il fallait toi, Benana. Bon, ma juge, ma bima. Abile l'audit.